Oui, bonjour, bonjour, bonsoir, les amis. Merci, Guylain, bonjour. Mama Jimbo, merci, bonjour. Samuel, merci. Yav, merci. Sunda, merci. Les noms, ça passe rapidement là. Benoît, ben, merci, bonjour. Paul Zabi, merci. Coco, merci. Oui, Agapao, merci. Rodrigue, merci. Empereur de Luozi, Né Congo, merci. David, merci. Lando, merci. Justine, merci. Victorine Mbo, merci. Dani, merci. Igo, merci. Congo Wise, merci. 23 femmes Messenger, je pense. Merci. Johnny le Bofi, merci. Rapidement, Tata Robert, merci. Jennifer, merci. Pedro Junior, merci. Paris, Paris, quoi là, je vois, merci beaucoup. Voilà, merci. Merci, mes chers amis. Nous avons un peu voix et un peu mon boulot. Et imaginez-vous, j'ai fait lobby, donc avant-hier, Nabino, toute une journée, non, toute une nuit. Na lali atamukete na vanda ki awa. Na lali atamukete na vanda ki awa ti tongo etani. Donc, banana vanda ki depuis 18 heures. Donc, ti tokomi 8 heures du matin na lali te. Et la journée aussi, elandi, j'ai eu beaucoup de réunions par-ci par-là. Pas avec des Congolais, hein. Des réunions par-ci par-là. Je me sens un peu fatigué et je pense dans 3 heures ou 4 heures, on a voyagé, ok? Et voilà. Merci Mingi. Bon, voilà, ce qui m'a mené à titre, j'ai écrit Résistance, la Mouka. Béni très Monisco. Il y en a pas point pour discuter sur la mouquée rapidement, mais quand même, moi, bah, update et vous engagez. Merci, Nabino Nyonso Bolingarangai. Merci, vraiment, merci. J'ai remarqué, Bromo Nayango, Nalingaka kobombate, c'est ça défaut nangai. Nalinga vraiment kobombate. Mais na bomba ba secret parce que je suis un agent. Y a ba service à Molili. En ce qui concerne le pays, na bomba ba secret. Soyez na bomba ba tembe le ba koreye ba gardanga te pendant 10 ans. Na sala na bango. Na bomba ka. Mais ce qui est monnaie, c'est qu'on a détruit le pays, na bomba katé, na bimisaka na poissa. Mokolo ezali, ce qui va avant au union, c'est l'équipe, je pense, na futur. Bon, on a chance, y a beaucoup na ban biso. Surtout moi, na biso ami balé, lui au moins parle lingala. Même si moi, lingala, coréen, à sangisaka, mais en tout cas, pour comprendre l'idée na ye. A Sengaka, Aleka, mais à Bangaka, ba Congolais. À Banga, ba Congolais, qui ba Congolais, ba lingi ko attaquer, ba tout pour rien. Alors, Alingate na bime. So lingi mboka na yo, il faut affronter. Hein? Alors, mokolo toko zwa chance bolanda, même moi na biso moko, boko yoka web sabino. Que papa na biso, denge tozali na famille, soki moko na biso na famille azate, koloba kombo na ye na mabe na ye te. Na kataka. E nasala ka ironi. Ba nangani so ba yebi. So yika ka bandi ko lo ba wananga na bandi. Ah, to zo tonga intel. Oh, yo po nyo sabo, oui, moi je suis comme ça. Lo ba, so ki azali wana lo ba. Alors, so ki bo continue, de ka zo ya. Nasala ka pe na ironi. Na bi, ah, ok. Ozala ki te awa, to bandi ko tonga yo. Yo, ba lobi, ye a lobi. Au salakibou, voilà. Et à un certain moment, ces histoires-là, au Monica Nakata famille Soubovandi, entre Banabango, entre Bango, quand même, moi, tu as un problème, mais en raté, Bazalakasou n'a courage, tiako, l'obali kambou, yamouninga soit azate. Ce qui n'a pas zawana, balobakate. Ça, je vous dis, je jure, Soubokoutanina, membre de ma famille, n'a pas Sabino. Je n'aime pas ça. Bon. Toyeli yangote, mais update ezali. Na loba ki, na bandeko loba, merci. Merci mingi, na bandeko nyonso, oyo bozali ko supporte ngai, merci. Na landi, ba video mususu pe ebele, merci. E ba o pe baza, kontre ngai, merci na bino. Merci mingi. Experience toza nango, eza juste une expérience fraîche et bungi nante. Monsieur Honoré Mbanda, bakundi naonte, toyebi biso nyonso ndenge nini bato bayinaki ye, ndenge nini bato bandeki koloba kofinga ye, koloba makambo ya lokuta mpo na ye. Me lelo akangi misu. Botala, bato ya liboso kuta koloba, il n'était pas celui qu'on croyait po akufi. Je vous assure, mokolo nga na kokufa. Soki na kufi avant. Boko mona bande ko na biso ya IDPS bango bato ba banda liboso koloba il n'était pas celui qu'on croyait. Donc tozo yango kaka na cadre wana mais na lingi koyebisa bande ko o bazali ko ya ko pesa nga ba conseil ebele na zozo ba conseil na bino mais vous ignorez quelque chose. Et loko mo bozali ko ignorer que et loko ba bengi leadership Ezali complexe. Leader, donc leadership, Ezali complexe dans le sens que aucune personne n'a monde oyo à part Jésus. Nzambe toloba. Bon, Nzambe pe aza imete, aza mutu ya monde ote, hein? Y aza supra. Mais to considérer le kola Nzambe aza mutu ya monde oyo, à part yé. Oazana leadership complet 100% ezali na mutu moko te na mokili sur na système solaire na biso oyo oazali leader et azali ko remplir ba condition ba critère nyonso prototype nyonso ya leadership bande ko azati tout le monde tozomona ba na mondo ba Obama par exemple Obama a ses défauts aussi. Ba Nelson Mandela, azalaki na ba défauts na ye pe. Mais azalaki leader mokili mobimba bazo betele maboko. Azangaki ba défauts te. Azangaki ba défauts te. C'est difficile pour na mboka na biso na Congo, même na monde, ko créer un leader. Sans faute, sans tâche, jamais. Ce qui boyoki ndengwana bandeko longwa ici quand on ezali lokuta. Même kulutu na biso tozali ko lelambanda, il avait aussi ses défauts. Mais biso na résistance, tondimaki ye azali leader na biso. Et ça c'est vrai azali leader. Mais na ba compétence na ye nyonso na façon na ye d'être. Moi, ba défaut pe ezalaki, tozali ba humain. Bandeko mingi bazo pesa ba conseil non zala leader. Non, na koyi ko zala leader à 100% te. Na bomba kate, na zolo ba na ba live na ngai. Défaut na ngai. Na wumela ka ko lobela injustice te. Soki na moni eloko moko eza bien te. Na wume la kate na kenda kavan. Na fashaka pamba pamba. Bon, na roba. Pamba pamba te. Na fashaka. Men. Na temporizaka rapidman. Et surtout soki na yebi ke li kambo oyo moralman, intellectuellement, o yebi ke ozali ko kosa. Franchement, je me fâche na jisaka. Et par la suite, je comprends. Et kitaka potokin. Je travaille sur ça. Nazali ko travailler mingi po na yango. Ezali kaka po na makambo ya Congo te. Bandeko obolanda nga mingi, je souris beaucoup. E na koyebi sabino mingi mingi soye na siliki. Na suri yaka mingi. Er moko ezalaka lokola mwa sourir moko hypocrite. Donc pour camoufler kanda na ngai. Ezali defo oyo nazali ko travaye sur yango. Alors bandeko pardon bo impose ngai leadership sans faute te. Ezalaka te. Wala bokoti ndangana kene okota kikumbi lokola ba bouddhiste, na sala peut-être 10 ans na méditation pour que échanger na jour moko na 2 jours na une semaine. Na okokati. Ba conseil na tango tozobi maboye, tozali pe ba éducateur. Ba te belé bazo landa biso bazo na posa na biso, bazo ye ko la pe mwa makambo e belé. Yango bozo mona na lobaka sur ma vie. Na lobaka ngo ke ngai, soki nzamba tuni batu na mokili, banani bazwa ngolu ya nzambe, bazwa mapamboli ya nzambe, nazali parmi, na kolo ba peut-être le 1000 personnes na monde mobimba, le premier 1000 personnes na monde mobimba. Nazwa ngolu, bandeko. Ba o baza bande ba camarade nanga na Facebook bomoni na che seria ba photo. Camarade nanga moko un camarade intime qui est à Kinshasa. Totanga na ye, je pense premier gradué moko, deuxième gradué moko. Alors à cette époque o na lobby na banai kolata ba kupa madofolo. Biso mi bale to sala ki association yepe papa kufa kala. Mama tikala na bana ya mike. Mama nyokwa mi koboko la bana wana. Tokutana na ye na are ya bishi ya avani na masina Petro Kongo nga na njili. Tokutana na auditoire eto ye kozwa bishi to se retrouve bishi moko to tulani o. Oh. To sala ki non auditoire oui. Ah, ozala koto ya nazala na njili. Tokomi ba kamarade. E pa na biso. Place na bandeki ko vanda. Ko lia, en tout cas, izala ki penza pasiti. Me problème nanga izala ki minerval, tike ya oke na classe, na bilamba. Esika na bandeki ko vanda, nde ko kuze, oya tika la ko sombe langa, ata sengle te. Atika la ko pesa nga ata santim te na futa mbongo na kende classe. Bien au contraire, il me disait, tika classe ango vanda kaka. Mais Kolia, en tout cas, j'ai mangé. Sa femme, abandonné Kolamba, ce qui a l'ambi, ti, na tongo, nga na zate, na ki classe. Ti, wane, ko zalawana, ti, ba Kolamba, mwani ya kishasa ba lamba, akamba, la moko na pokwa, 12 elba, liyaka, te, ba Kolamba, oya pokwa, suko ye na pokwa, outi classe. Repa o alamba ki ezali, ti pe o alamba ki na tongo ezali, ndenge ba zipi yango place wana. C'est une femme qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Vraiment, batu ebele ya bando kanisa ke, na zande leki ya mwasi. Na zande leki ya mobalite, leki ya mwasi. Sukubo webi si batu te ba woye bate. Alors, kamarade oyo, epai na bango, kolia ezalaki mwa mobulu, botala kaka mama musale ezate, bana bandeko ya basi, bana mike, mukolo ye, azoke deko tanga, nani ya kosala? Kaka biloko mwa ba eglise, katolik, bazo pesa mwa muke. Na ebisi ndeko oyo, chaque jour soto uti klas to leka epa na biso, ole, apre, okei. Ba foto na uti ko tchawa na mariage na ye, Nzamba pambola ki rapidement azu musala na ndolo na compagnie ya aviation. Na ko detaye te peut-être batwa ya ko identifier, c'est pas bien. Po na kishasa batwa Félix bazo luka bande konanga. Nzamba pamboli rapidement azu ndaku asombi kombi asombi mwa lupangu demi parcelle après a évolué. Na kenda ki mariage na ye. Mariage wana bo mona asomba ki ba triko, akaboli na bato ba ya mariage ba kamarade na ye. Nga kuna na profite, zala ki triko ya mariage te, po na nga sap, po na mariage, triko ya sika ya pembe. Je rekone encore na kenda yiko defa pantalon, po, paske pantalon na nga zala ki peda pantalon ya malamu te, po na kenda nga na feti. Na keko defa pantalon ye pa gaso moka za ki sekretari ya wabelo rango. Na lingaki, na lika ko defa bilo, na wano lingako defa bilambate. Na kei na bondeli ya tuka mo fred, poto za ki tayi moko, ifo pesa nga pantalon ya mona mi, maria jine ezali, ifo pesa nga pantalon vrema, trikonde ezali na olata, oya kabodi ya fete. Maya antuka pantalon eza mubulu. Pesa nga isulie oyo, pesa nga pantalon. Se botali foto ya bomo la ke pantalon penza azalaki mwa munene ero ya nazalaki muke mikwape. C'est une causerie entre amis hein. Alors se bomo ni foto la boko seka d'abord mes enfants camarade atindelinga lobby mes enfants bandimite ke wanangai. Boko mona ba foto na tie wana je pense mi balé na tie na ba foto mususu comment est-ce que j'ai changé. Morphologie, tout n'est pas changé. Et ça allait vraiment ngolo ya kimbango. Franchement. Et dans mon photo, j'ai pleuré vraiment. En tout cas, j'ai vraiment souffert. Mais, mon lende. Mbamba na classe, na quartier 12, wabane yobé en gamme Fumubuku. Fumubuku mbamba na tikate. Yabo tato li kamuni. Ozwa kisi po na klas wende yinini. Mbongo ezate. Minerval ezate. Tike ezate. Silabis ezate. Alors. Tika. Kene wosa la commerce. Na tikate. Donc. Soki na zoro baboye me frères et sœurs. Ezali po. Na lendi sabaninga. Bazaye bele. Bazali ko souffrir. Lokola nga na traversa ki. E bele, tata kufa petet na guerre, na maladi, mama tikala, mbongo ezate, nde kwa zana volonté ako tanga, mouta kufutile mbongo minerva azate, atiki. Bande ko basi, mouta kufuta minerva azate, ake kwe ya petet epa ya aventurier, a ngroseye, a kimi, atikali ko sunduloye na mwana, na bana, se triste. Alors, yangwana tozali ko ya ko lobabilo kwa boye po, Bandeko baza ya découragement. Force kaka. Tekata mai. Mai pe Félix apekisi. Vraiment regarde ces histoires ici na mboko yo. Opesi batu misala te me. Opekisi bo teka mai te. Oui, ba sachez zo baby sa. Mais la vraie politique ya mboka ya gouvernement. Edike batu po ba ye bandenge nini. Ya ko jere ba deche. Edike eza kesyo ya education. O peki si batte ka maite, oui, ba sache zo bim sa environnement, ça c'est vrai. Mais avant ou zo a décision wana, vous avez remplacé activité ya batu oyo na nini. Batu bazo te ka mai, ajoui moi 500 francs, 1000 francs, aleke na wenza sombeli bana matembele. Yo lobi bo te ka so maite, o remplacé moussala nini na bandeko oyo. Gestion ya mboka Balam kakate o lali o lamu ki o komi lider, o komi ko jere mboka. Se pa kom sa. Alors, tozo ya potolen sabaninga o baza dekouraje, o baza ina diaspora, boni ba racisme, ba bana na biso bazo dekouraje, a oke na ye klasete. Ba para ba force, ba force, mwa na suka moni ba para bazo force, il fait semblant, ba para ba kena mousala bazo nga apokwa. Bazo kansa ke mwa na ke klasi, nzo kande mwa na abaye na ye. Tribalisme, racisme, abaye na ye, olia kende klas, ake ko tambola. Akuta ni pena group mabe, mwana baby. Baza ebele na diaspora. Alors, biloko abo etozo lo ba, bana mususu bako yiko zo aloko la leçon. Elendi sabango pour ke ba, ba force quand même. Ezali poto toza la borgeyete. Orgeya nini, ata, ata koutou, mukilio yo vraiment. Oko sala orgey nazwi nini. Nazwa bo mengote, nazwa millionnaire te. Men nazwi stabilité quand même. Stabilité ya moutou. Stabilité ya kovanda nazwi yango. Pourquoi ne pas ko partage na baninga mousousou? Culture nabiso eza mabe. Ba koreye ba wayaka ba kilomètre, 500 kilomètre atye ba dans la voiture. To kende bo koutana na moutou wana, bo yoka ye. Qu'est-ce qu'il a fait pour akoma na niveau wana? Mais epa na biso eza orgueil eza lolendo yombi ifa kita bonga inga yele kite eza bonga inga ite tozali ko lende sabaninga oyo bazali ndenge na zalaka batika te ba continue ba forcer tant que ba kufina onte ba continue eza bonga inga ite mukirio bachaka ngai inga ite jamais. Alors, je disais que soit tozoro baboye ezali aussi ba vidéo moko éducative. Surtout makambo etali ba étudiant bazo landa biso, ba élève bazo landa biso. Surtout makambo etali tre ya makamba kotanga. O linga yombi te. Pardon. Kote etali makamba kotanga bana bazo landa biso. Ba étudiant pe o balingi ko profiter bazo landa biso. Nazwi téléphone na ndeko moko na Canada. Azo sala doctorat na ye na science politique. Ndeko oyo très intelligent to solaka mingi. Nzokande thèse na ye ezali très na makambo to zoloba na ba video. Soki to leki na ba video akomaka nyonso to zoloba o ezali très na thèse na ye akomaka. Dernièrement, yeko tunanga, prof, olobela ki likambo moko boye. Na bosani date ni oloba ki likambo wana, eske, ozana video wana po tinde langa ango. Je croyais que peut-être bo alinga salaka bo, mais era yoko explique nga, non, na komaka thèse. Alors, bandeko na biso boye be étudiant, bazo landa biso, soki to lobi makambo etali makambo, par exemple, ya classe la science. Pardon, même olingi yombite, koya ko ambruye bandeko o bazo landa biso te. Lobi na leka ki epandeko na biso Pasteur Bobo. Bandeko bazala ki ebele, surtout o balingi ngate. Mais je répondis à toutes les questions. Ye moku talinga iko kata na bete te continue kaka même na lalite butu mobimba. To continue. On a fait 3 heures avec M. Bobo. Donc, to banda ki na ye, na ba 5 heures, heure na biso, to silisi ba 8 heures kelke, heure na biso. Et pourtant, avant na ye pa M. Bobo, na sala ki je pense 2 heures ou 3 heures, et pa ndeko na biso Gino Will. Avant Gino Will, na sala ki na réunion na ba ndeko ya Australie, Nouvelle-Zélande, ba Congolete. Donc, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Ndeko moko ayeko loba prof, ozali injuste, nazo sepela nangote, c'est pas une réponse, mais po ba étudiant pe balanda ki nazwi ba question à 2 étudiants. Ozali injuste, natango loba ki makamba ba réfugié, nga na vandi na Londres, na salaka po da makamba ba réfugié, na gouvernement, awa, je pense, c'est ce qu'il a dit. Et Makambolo qui pona ba réfugié que vérification yakopé sa moto mokanda nengolobaki ezali lokuta ozali injuste. Et pourtant pona ko vérifier ko pesa moto mokanda to utilisaka rapport ya service ya frontière ya ba américain. Makambolo ki ezali lokuta. Vraiment, ils ont malam te bande kunangai, pardon. Toti kabiloko yo, pardon. Ngai soki lobe eloko malamu. Même na sepeli na yote, na kondima. Eloko lobe eza juste. Mais en tout cas, na sepeli na nande kote. Yangwana ozoma na développement mental ya batu. Développement ya batu yangwana. C'est de passer même moutouana au lingi ete, mais soka lobe li ka malamu ndima ye. Ah, ndeko moko azotuna kan kofungula l'espace à commentaire, mais comment? Bandekona biso bafungula chaîne ngai o ya YouTube. Hier na senga ki bango bafungula espace commentaire. Na évité ce bazolanda ngai, mais je regrette parce que ils m'ont confirmé que na benga ki bango lobby. Na évité ki bango bandeko ebele balingi ko commenter, mais to bloka commande ya ko sala ba commentaire na sengi bango lobby bafungula. Andimi pe alobi tout de suite prof nazo fungulango. Mais ça m'étonne, ndenge ndeko moko a komi que ba commentaire les a toujours désactivés. Je suis désolé, hein, mais surtout c'est ici, na ko rappeler bango ba fungula. Ah, ndeko moko alobi ça fonctionne. Ah, en tout cas, pardon, pardon, pardon. Alors, ndeko oyo alobi naza injuste les alokuta. Bandeko bo yoka. Et je m'adresse directement aussi aux étudiants qui m'ont posé la question. Naza ko lemba na koyi kozwa ba question nyo son dengwa te ya moko moko. Boyo ka ndenge processus ya kopesa mutu mukanda refugié ezalaka. Ba dokima nini ekotaka na kati. Processus d'abord ya kopesa mutu mukanda ba benga yango en abrégé RSD. En anglais, hein, excusez-moi. RSD, ça signifie Refugee Status Determination. Ça signifie détermination du statut de réfugié. Et l'autre, processus. Makamonio se kota kanako déterminer que vous allez réfugié ou non. Processus wana yango ba benga kandenge wana. Alors, ba gouvernement na ba mboka nyonso, oyo ba signa convention de Genève na protocole nango. Document ya liboso ezali convention ya Genève na protocole nango. Convention de Genève na erba salaki yango monde ezalaki ndenge toza boyete soki botali yango eza bien détaillé te. Même protocole nango ya 67 ezali meza penza bien détaillé te. Et il faut koyeba convention de Genève na tango basalaki yango po na monde nyonso te. Basalaki yango kaka po na ba européen. Après la guerre deuxième guerre mondiale, ba européen basangani balobai to sala document moko et permettre bandeko na biso o ba panzani na ba pays mususu ya Europe po bazala na protection. Ba yeko sala convention wana na Genève. Na 67 entre 51 na kati wana na 60, 1967 ils ont remarqué que makambo mususu o etinda ki basa la convention wana pona ba européen ezo le kakote mususu par exemple la guerre ya Corée ba guerre ebele par exemple ba guerre ya indépendance na Afrique oni ba yeko sangana lisusu balobi bon to changer convention à Genève parce que ezali ko protéger batonion sauté na monde ezaka pour na européen ba yeko kuta na ba discussion ezala ki na ba mboka ebele finalement ba yeko kuta na New York na ONI ba yeko sala sikoyo protocole nango o ezali ko amender convention ba élargir convention o yekoma monde mobimba à condition que pays ba signer yango. Eza na ba pays mususu ba signa kaka convention. Eza na ba pays mususu ba signa kaka protocole. Et ça n'a pas payé Moussou Bassinia Nyon Somi Balé. Document Yaliboso Yangwana. Deuxième document, Mibeko ya pays wana concernant ba réfugiés soki ezali. Convention ezali c'est bien, protocole ezali c'est bien soki ba signa. Mais la réalité ya pays na bango, peut-être ezana mwa ba kokoso na mibeko na bango pour ba adapter penza ba appliquer bien bien convention de Genève na protocole. Chaque pays, il faut ça la une loi. Oya ko adapter na convention Oyo international. Ba pays nyon so ba sala ka ba loi wane. Za ba pays mso ba loi ezate. Soko tali par exemple le Japon. Ba signé convention. Mais ba zan amibé kwa ba refijete. Kore pe ba zala ki nangote na beta histoire. Koma on a lutté. Pour que Kore ba zala mobe kwa ana tito leka na ba parlement. Ko explique. Loi wana e leka na parlement. Loi ya pays wana ekota a considération. En plus de ça. Ba pays ezwaka mingi surtout ba pays européen na ba pays ya Asie na ba pays ya Océanie ba landaka rapport ya service à frontière ya ba américain na ya ba anglais parce que sotali ba rapport na bango sur le pays par exemple sotali service à sécurité CIA na États-Unis service à frontière na États-Unis ba chaka ba rapport ya situation ya ba pays Il y a droit de l'homme, makambe belé, bachaka. Bato ba determina kamukanda réfugié, batanga kapé, ba rapport wana mingi mingi ya ba américain, na ya ba anglais. Après wana, ezali na document moko très important ko déterminer pe situation ya ba réfugié, ya bato na bamboka, ya HR. Ba bengi yango na site na bango, Ref World. Eringi koloba, Refugee World, monde des réfugiés. Kuna na kati ba détails ezali sur la situation politique, droit de l'homme, économique ya ba mboka belé na monde. Soko lingoyi ba makambo ya Congo, oki obeti kuna, obeti Congo, okomona tout ekobima. En plus de ça, tozali na rapport ya Croix-Rouge international. Croix-Rouge pe basala ka rapport ya situation politique, sécuritaire, droit de l'homme, il y a ba pays nyonso oyo bazali. En plus de ça, Danish Refugee Council na Danemark. Service oyo pe basala ka ba rapport ya bamboke belé. Voilà, ba document ezali e belé oyo ekota kan considération pona ko déterminer ce qui mutu azali réfugié ou pas. Oyo nyoso na tangi, babenga kayango, country of origin information. Le pays, information du pays d'origine, c'est un grand cours na migration. Ce qui botali document o ezali 500 pages. Bandeko même olingi yombite. Parce que ndenge na yebi sakabino bondi makangate. Je suis professeur d'université, na niveau ya master na doctorat, na tangi sakakour oyo. Ya migration, na kati le refugié, le migrant forcé, ba réfugié. Na tangi sakayango. Koya ko induire bana na bisote bande ko na bisote o bazali ko tanga, bazo landa bisope. Aya koyoka kende kwa na zana Londres, asala kana gouvernement na makama ba refugié, likamba lobi seke za solo. Lokola baloba ka yombi za professeur te, seke yombi akosi. Ndeko oyo azui makambu yo lobi akomi na thèse na ye, par exemple, na mémoire na ye, na dissertation na ye. Ake ndeko depose, peut-être pas directeur ake ndeko defendre, ndeko oyo bako zwaye menteur a échoué. To sala ba aventure na biso na makambo mususu bandeko. Même o lingi ngaite, laissez-moi parler na makambo o etalike na yebi yango. Na yebi yango na ndenge na ngate, na zali na certificat na diplôme. Ba pesanga ke oui, o tangi makambo oyo, zwa diplôme yango yo, yezo autorize yo, kende ko tangi sa. Bandeko, même bo lingi ngate, bwe ndwiri ba bana na biso na erreur te. Ba o bazala ki lobe pa mdeko bobo, soki bolandi mdeko era bandeko loba, avec vivacité. Monsieur Yombio Kosi, c'est injuste. Ya lobi kaka document moko, ba utilisaka, ya frontière ba américain. Et pourtant, à Londres, place avant d'y en réalité, o ya frontière ba américain, ba to Londres ba ki pa angote. Parce que ezali presque la même chose. Pourquoi? Parce que Angleterre na États-Unis, ba kabula kaba information, ya immigration. Na Londres, si ka vandi ba utilisa ka mingi, o ya bango moko ba anglais. Soki omoni, ba anglais ba utilise document ba américain, mingi mingi ba utilisa ka document ya CIA. C'est vraiment triste, hein? Alors, na sengi ndeko oyo, soki moyen ezali, soki ya Rolanda Bisso, tozali la fois passée nazalaki na réunion ba congolais sur ONG na sepela ki makasi bandeko ba yaki ebele tosoli makambo ya bien ebele. Alors nous avons décidé tokofungula tokobengisa ba professeur mususu ba banoya tokofungula série ba formation par période na une année peut-être tokofungula 3 fois ba formation à 3 mois 3 mois 3 mois ou bien tolobi na une année 2 fois 6 mois 6 mois. Alors, question totika inango awa, naza na bakobanda ba démarche peut-être semaine kobanda, na luka une université au na ba Amérique, na Canada, ben États-Unis, na ba centre université wana bandima, to ya ko inclure formation na biso oyo ya ONG na centre na bango, mais il faut payer. Alors, na ko négocier paiement totala bande ko na biso bazana Congo, o bazana moyen mingi te to ko luka ko luki na bango ba bourse. Pour batanga une formation pour un certificat il y a 6 mois et que ça malam. En tout cas on a bien discuté na bandeko obayaki to soli politique té il y avait pas de milouvor, il y avait pas de pangistanais, il y avait personne, donc on a parlé science. Alors kalamingi té to okuta na suna bango, donc le temps que assistant nga personnel a programmé date auto to kozala bien bisonyoso to kotinda ba message pour que moto na moto a cha date o akozala. Alors, ce qui te check yo na liste te bandeko pardon botika ko tungisa ngai ko landa na sima. Pardon, ce n'est pas bien. Ce qui te poni yo te touro yo, ça signifie que place ko ki to lingi batuba za la penze belete. Ce qui te sali rené musu peut-être ko ko récupérer yo. C'est tout. Batu musu na poni bango te parce que façon d'abord de demander sur cette histoire, na ye ko remarqué un peu niveau. Na monike na ndeko oyo a parti ya kotuna boye na dimite kaza akozala capable ya kolanda cette formation. Alors to déclasser za problème te to koluka yo po na likamosusu, ça ne dérange pas. Alors to zonga na makambo na lobby avant to zonga moi update bandeko ba conseil na bandeko ba o ba pesingai bobo mamoto bosolola bosolola. Et lobi na bandaki komeka kozongisa ndeko na biso pasteur bobo mwa moke moke na nzela parce que abandaki ko bima mingi na ndenge ba question na yendenga azotuna bo ozo sentir que en tout cas azali kozwa part et na bandaki kozongisa ye mingi na bandaki ko rappeler ye soki ozali pasteur zala na katikati soki soki et na conclusion aye ko loba na tango na lobi que ya in bandeko moko déjà bayo contacté ngai ke to solo la to yokana ki to solo la na pesa yi condition na ngai et po question na zwa ki pasteur boboko yoko za la médiateur te non médiateur bazwa ka mutu o azan neutre bazwa ka médiateur te o azali penchant na groupe moko te so yi conflit ezali baluka ka o azali na katikati o azan neutre bazwaka o aza penchant te kozala penchant pe eza mabete ha bo comprendre nga na ndinga mabete kozala penchant eza mabete. Alors mena conclusion bandeko balandaki un mot pasteur alobaki alobi non professeur Yombi andimi na ye abwaki éponge c'est risquant et heureusement na zongisa ki na sima même si tokataki de janga na sisa ki mot de la fin mais na tango na yokiye que professeur a boaki éponge na zonga ki na lobelaye que non deko attention na ba mo izo utiliser na boaki éponge te na boaki éponge te ba contacter ngato solo la na ndimi na pesa ki condition et to cheminduki na se alors ko cheminduki na se za ko boaki éponge te ko boaki éponge ni ko lobana ko kite makasi esili na lembi nzoto elembi na sengi pardon to tika non ezali bien te alors ndeko na biso ezali pasteur esika wana vraiment ezalaki malamu te heureusement que nazongaki mpona meka ko rectifier ye ce n'est que normal alors ngai na madame Candide elo na koyebisa bino boyeba tosololi tosololi na maloba boyete tosololi na ba texte na moni message na ye e ngai pe na répondre ye e na message na ye soki na comprendre ye pe na côté na ye azali ko regretter que eloko oyo esalema boye a expliquer ngai apesi ngai explication que na tango na lobaki kuna il fallait na ya na kutana na yo. Moi j'ai compris mais na kati so bolani message na ye ya un sens de pardon ngai pe na message na tindeli ye na yebisi ye que yo ozali leader na zali leader ozali na ba défaut na yo na zali na ba défaut na ngai na ba défaut na ngai pona likambo oyo na zali ko me reprocher na kanda parce que akomelinga lobi na yebi ko siliki mais on est ensemble tozali bandeko ngape na zone seli oui ko silika wana zali moko ya ba défaut na ngai pona ko silika na ngai je te demande pardon, madame. Mes conseils na zo ko pesa yo, zala na komi kitisa, soki erere zali, zala na motema ya ko senga pardon. Ezali malamu. Ngai po na kanda na ngai, j'ai dit beaucoup de choses, juste pour na me défendre, je te demande pardon. Donc, to silisi wana. Mais cela signifie que to zali bandeko, je pense que message na yeza inutile to bimisa yango. To komani, on a compris que on s'est demandé pardon. Ce qui reste entre moi et madame Candide, c'est de demander pardon à ma Congolais. Je me suis dit nako proposer yango ye a enregistré moi message moke asenga pardon ngape na enregistré moi message moke nasenga pardon na bandeko oyo balandaka biso parce que tozali milakisi bato oyo bazali ko se sacrifier pona ko landa biso ça ne signifie pas que bazangi eloko ko sala po balanda biso to futa ka bango te po balanda biso ezali bandeko oyo bazali dépourvu moto bato oyo bazali bazomona te na nani ba se confier na mboka na biso gouvernement associé na mission na ye na tango tozali koloba mwa espoir na bandeko oyo ezali même azana nzala ndeko bakati ye moto na tango azoyo ka tozoloba mwa espoir ezali ke bon ndeko nanga o bakati moto bandeko o bazwa koloba mukolo ezali bako bongo la mboka oyo mwana na ngai mobali na nga o bakati motu justice ko salema alors ba mona biso bato bazwa ko tia espoir to banda ko bunda entre biso vraiment ezali malamu te et pour moi nazana besoin na sala video mususu te donc je demande pardon na bandeko nyonso oyo balandi biso mama moko na lobby atuninga question tozwi bango pendant 5 jours oleto loba makambo penza ya mboka biso tozoba makambo susu to faire perdre bango temps pour rien ya une dame qui m'a contacté lelo a lobby nanga abaye biso na ndenga osakana te je lui ai demandé pardon entre biso abaye te apesa biso susu dernière chance totala alors je demande pardon na batunyo so obazala ki blessé peut-être na badir nangai. Oui, c'est vrai que na kendaki mwa musika, c'est par rapport ya choc o na zwaki ya likambo wana. Yango pe tindaki ngai nakende pe na niveau ya choc wana. Mais en tant que ba leader tozali quand même er moko, il faut to temporiser ka ba tempérament na biso, yango to senga ka ba tunion so soa comme leader, ba conseiller il faut bazala. Ezali vraiment malamu parce que biso moko yo moko oza 100% complété. Donc je vous demande pardon mes chers amis, ba papa, ba maman, surtout ba maman, pardon vraiment mingi, bino so bazala ki blessé. Et bo pesa ngai chance po na mbala ya suka na ro mbala mi balete parce que comme so bo pesa nga so pour la troisième fois non, bo pesa nga chance po na mbala ya suka. Mais na tango bozo pesa nga chance po na mbala ya suka, bo ye ba eloko moko ke na kiti sinde minduki na bwaki yango te, na kiti si yango na depo. Boye bake tozali na mboka moko o ezali calme te. Lokola ba mboka mso ke calme ezali, situation politique même ba divergence ezali, ça va. Mais tozali na mboka o ezali okipe. Tozali na mboka o ezali okipe. Alors, tozali na résistance. Il faut koye bake na kata résistance nenge tozali, to mekaka ko kontrole makamba ko loba na entre biso. To meka ko kontrole maloba. Oye ko yiko blese bande ko msuzuti, o tozali na bango na kata resistance, po ba affaiblir resistance na bango. Ezali malamute. Bien au contraire, tozala elongo. Soko monike na motu ozali na mwa ba nungu nungu po nandeko. Yaka solola na ye. Kokene ko yebi sa bande ko msuzuti, men bande ko na pe bazali na resistance. Te, même ozana bango groupe moko, parti politique moko, ko yebi sa bango te, avant ko yebi sa bango, yaka na ndeko oyo bozana ye na resistance, ozo pesa confiance na ye, ye pa zo pesa confiance na yo, ndeko, ngai na yo ki li solo boyepo na yo. Ko yi ko yebi sa biso se kwa o juste. Ko bandana nou ko yebi sa batu te, avant oya e pa na ye. Paske tozali batu, na tango zo yebi sa groupe ya batu mi bale mi satu, na kata groupe wana batu mouton susu a oya ko yebi sa ye. Et c'est trop tard, natango yoko loba keno, na linga ki na ya ko yebisa yo, mais c'est trop tard. Osi o yebisi batu, e panzanit. Avant o yebisa batu, yaka na ne pa mokolo makambo, tu na ye. Ako pe su explication. Soko zali convaincu te. Ah, en ce moment, lobi, na résistance toza nan deko moko, na boni ye loko la za mouta niyamu niyamu. C'est comme ça, ça marche. Donc, toko zongi la makambo anate, j'ai dit pardon à madame Candide Okeke, bien que na lobby na yena inbox, j'ai dit pardon et pas na ye azali maman, je sais na sentir que atungi sami mingi pour na likambo oyo azali maman, elle a reconnu que oui bon na lobaki bon na lingaki na kosola na yo, c'est du passé. En tant que maman, je te demande pardon. Pour na badir on a lobaki, bien que badir wana ezali quand même lokutate, mais en tout cas il fallait pas na lobayango, il fallait pas na lobayango. Mais comprendre nga ma sœur, tu es mon ami, tu es mon amour en résistance, na koyi ko bombate à part bandeko oyo basala ka ba vidéo lokola bandeko ba Kerwin, ba Fabien, ba Nani, ba Patrick Efonja, ba Bolia, ba Nani, natanga ba komola bango chaque jour, mais ba oyo pena ba salaka ba video te, naza vraiment na amour makasi na résistance pa Candide. Yango bozo mona choc wana, na si, eza lokola, moni na libala, mwasi o, lingi bie mobali o, lingi makasi. Oya ko yo kakaka boyeke non, mwasi azana mobali mosusu. Ou bien mobali azana mwasi mususu. Bozo sentir ba bazwa choc abolingo, bozo sentir choc wana ndenge ezalaka. Alors, boko remarke ke mobali na kanda wana bien mwasi na kanda wana akoloba n'importe quoi, mais azana bolingo mwasi na ye. Ou bien azana bolingo mobali na ye. Boko remarke ke mwasi sikoyo azokene na ye, mais tika bana te. Mwasi atingami na bana ke na bana. Pourquoi? Parce que yebi très bien que soit ke na bana, papa oya ko landa bana komba bana na ye. Bango mi bali balingani. Mais mutu na mutu ako ya na komba bana na ye ko tala bana nanga. Olia yo tala bana oyoka. Yo, nazo yusa yo. Lobi yaga nanda ko. Oh. Yo ye ko la nabana toka wana. Toka wana. Alors, si ko nini sou yo yaga nandako. Si tu bandeko la bisa mibali. Bandeko abasi basala ka ifu anduka makangu ya mubali. Mwasi angwa zandege nini. Mama ye. Tala muta kye kozoa. E koko ting. Meme mwasi angwa leke ne kitoko. Wana nyo sezali kanda ya bolingo. J'ai remarqué que Madame Candide a été choquée na bolingo toza na ngona résistance et ngai pe nazala ki choqué na bolingo toza na ngona résistance. Je l'aime beaucoup. Azali mutu ya liboso na bato basala ka ba vidéo te oyo na linga ki makasi. Il y a beaucoup des erreurs entre biso. Donc recommandation na ngai pour na Madame Candide na kosenga na ye ndenge na komeli ye zala na motema komiki ti sa. Zala na motema ya ko répondre bandeko na ndenge ya malamu kende na pareko na bino bosolola c'est vrai banungu nungu ezali ngai lokola tokoti na moi kwak nayo na ko yiko proposer ba office na ngate ke na ya na za lokola conseiller na moral na ngai en tout cas ko zala malamu te parce que na me pencher déjà na kanda na zala ki nango e pa na ye. Alors, mais bandeko bazali ebele. Na yebi ke nakati ya ba famille, ba probleme ezalaka. Luka bandeko ya pareko o moni ki bozali na bango na kwak. Mama, pardon, nazali ko senga yo, bo solola. Parce que mwandambo pe abizaleli, eza malamu te, mama. Franchement, mwandambo abizaleli, eza malamu te. Yo kakate, moutonios, eza la kunutu na biso ngwanda. Ndengo bozali na ye, bo salaki na ye, bambule ebele. Vous avez remarqué aussi, il y avait quelques problèmes. Il y a moi, bizarre, malamouté. Alors, zonga na pareko, bobongisa na pareko. Na bandeko ya pareko. Et loko na koyebi sabino boye. Nazali, un vrai résistant. Koya nanga na yaki, na appel oyo bakondi na bino basala kingai. Na yaki na motema ya sincérité. Na yaki na motema ko détruire te. Na yaki na sepela ki makasi. Connaissance ya kulutu ngbanda. Connaissance ya batu mususu ya pareko. Na memana, mwa connaissance na zanango, experience na zanango. Na ko révéler bino, kulutu onore ngbanda aluka ki ngai. Po na salisa ye, maloba na ye, et kota na ba institution internationale lokola na oni. Parmi ba rezo a luke la kingai yangwana, ba rezo msu eza ko loba awate. Na sepe la ki na loba ki kulutu ndiyo, na ko salisa yo, to banda ki pe ba demarche. Tindenge bozo yo ka makam to loba ki ba refleksyon a ko luka un representant, makanisya kulutu mbande zala ki yango. Me elas, toye okuta na kuna na refleksyon na bande ko msusu balingi ko komprendre biso te. Problem pe ezate, ezali fin di monde te. Na ko zala vraiment na association moko te concernant la politique na biso bande ko ba kongole. Po na ko evite ba probleme ya boye. Je vais continuer travailler seul. Mais, na makambo etali ba rekomandasyon okulutu ngwanda asenga kingai. Pona makamba oke na oni, boyo kana ebi sabino. Pardon. Na biloko na banda ki demarche. Paske kokende na oni, swat apareko ou bien kulutu ngwanda, atinda maloba na ye na oni, ou bien aloba par video conference. Oni ezali group club ya ba peyi. Bangonde association wana. Na système ya oni, soki ozali un opposant ou bien ba résistant de to benganaka, ezali pasi makasi po oleka na oni, par exemple, na Assemblée nationale, po olobe la makambo contre pays mususu. Po pays wana ezali membre pa na bango. Soki oni a permettre yango, pays wana représentant na bango na oni, bako sa la motion, ba seng explication, comment expliquer boza ko détruire ba pays mususu? Yangwana bozo mona makambo ndenge lekaka ba pays ba lingite loko la Chine. Ba chinois mingi ba yaka po ba funda gouvernement chinois. Ba toa Tibet par exemple. représentant ya Chine na oni a bloqué kabilo kwana batoni pe bakoyi ko sala yango te po bakozala na problème na Chine oni siko baye ko lobaboye bon to sala institution moko département moko oyo société civile baya kana makambu na bango soki baye nango biso na oni groupe moko na ba commission par exemple commission économique commission à droit de l'homme biso to koki koya ko yoka bango soki to yoki bango to memi makambu na bango na niveau ya assemblée générale yango bomoni basala ki service oyo ba chaki ngai batu bazali 9 personnes chaque 2 ans bazwa ngai kuna na 2014 na yeti na 2016 na 2016 baye ko reconduire ngai ki na 2018 et comment ki na 2018 te na katikati kaka mbula moko na sengi mise en disponibilité parce que na ye ko signé contrat na ngai na mboka Canada pona ke de ko tangisa en tant que visiteur. Na ye ko remarke ke na kore ba université mibale. Na bakisa na Canada moko. Na makambo ni, bon, na zwa mise en disponibilité. Na bandi ko sala ko kende na Canada, na zongaka, na ye ko mona ke non, tan ezali pe ya ko sala musala wana. Na zongi, na komi lettre. To sala ka musala nini? Mutu nyoso o ezali membre ya gouvernement te. Ba organisation nyonso, eza la résistance, eza la ba opposant, eza la banane, société civile, ba ONG. Soki bo niko ya koloba na oni, bo tindi demande na bino kuna na département oyo. Département oyo ba tindi epayi na biso tozali nef, ba afrike tozami bale. Ngayi nande komoko pe azali professeur d'université na Nigeria. Biso siko tozali sélection. Ba nani bazali na demande o esengi ke monde ifu ba yeba yango. Tozi kombo wana bie ba kombo wana to pesi siko na oni. Oni siko basali invitation. Biso to ye na batu wana. Ba tike biso ba to sombe la ka bango. Tango ba ye to ankadre bango koluke la bango ba hotel. Apre to kwa akompanye bango ba loba na oni. Na Facebook nanga bomoni ndeko moko kongolaise avandi na est na Kivu. Azali mama alitaka contre basi oyo ba violaka mama era sali demande na ye tango tozali ko discuter to sélectionner oni azala ki na besoin ya bato 4 me ba demande monde mobimbe yaki même ba 3000 ndeko moko ayebisi alaki singai azali riche albina nga me tala candidat oyo na mondi azala muta pays oyo uta tala boye na moni congolaise na tala CV na ye makambi na bino non. Cette mama doit venir. Na boyi na tinda ye mukanda na ndenge ya kuku ezali kobuka mibeko. Mais na yamba ndeko oyo na interview parce que faut tout ça la interview na biso nan. Na yamba mama oyo. Mama oyo azali koyoka landa ka ba video na ngai azali na Kivu. Ba photo ezali na Facebook na ngai. Na oni na kati ya sal ngai na ye. Na mema ye pe na ambassade ya Corée parce que azali na besoin ya moi misolo na tango na zo sala interview il faut se présenter na me présenter alobi na nga kombo na lokolo zali mutu ya Congo Brazza nga bia na za mutu ya bakote kuna na lingai ko kufungula ye nyo sote ayai ko yeba era kiti na aéroport à New York aye ko mona nga. Na ebisye, je suis congolais de Kinshasa. On a encadré cette maman à sali vraiment exposé moko teri batuba telema. Batuba lela. Alors, avec Kuruto Mbanda, na banda ki ba démarche yandenge wana. Pour qu'en réalité la pareko soit entendu na commission à société civile ya Nations Unies. Voilà, bambruima oyeye okota. Et nauti kozwa réponse. Le 29 ya mwa oyo. Service département oyo ezali kosenga société civile ya Congo batu 5. Tozala na vidéo conférence na commission ya ONU na matière ya droit de l'homme, droit de l'enfant na ba droit mususu. 5 personnes pona ngai au lieu to mema parce que ba démarche en réalité na sala ki ango pona pare côté na sala ki démarche pona résistance congolaise veut parler na département ya société civile na kati kuna ba ambassadeur ya ba pays musu o bazali ba membre ya conseil de sécurité ba kozala mibale ba ambassadeur penza te main batu ya ba bureau na bango mibale oyo bazali pe kirie ba yoka. Na yebi ke le 29 soki ba kongole ba moni parce que intention na ngai ezali ke video conference wana na connecte ngo mbala moko na Facebook na ngai, pardon, na YouTube na ngai. Na yebi ke bande ko belé o peut-être moi compréhension moi mobulu ba ko yako taxenga d'un égoïste. O sali makambo yomoko na otomoni na video yomoko. Donc je me suis proposé toko luka bandeko, loko la ba lobi 5 na papier. Oui, 5 na papier. J'aimerais mieux que na luka bandeko o bazali na Beni moko, ndeko moko azali na Minembwe, ndeko moko azali na Kasai, ndeko moko o azali na province orientale, et sika ba mbororo bazali. Peut-être toko yoko luka na diaspora, parce que moi-même je suis de la diaspora, toko luka na diaspora moutou moko. Mais on pourra s'arranger. En tout cas, bolim sanga, condition ezali nini. Il faut oye ba o maîtriser. Ce que je me propose, bolim sa pete na ba kombo, je me propose, to luka ndeko na biso professeur ya lengi, parce que professeur Yalengi maîtrise la situation banamulengi. Ce que professeur Yalengi te, to luka ndeko na biso, kunutu na biso, Kwebe Kimpele. Parce que ndeko na biso Kwebe Kimpele, ayebi histoire ya Congo, ayebi histoire ya banamulengi. Ce qui te zui ndeko mokote, ou akoloba parti ya, ya Minembwe. Donc, ça sera le 29 de ce mois, na 11h heure de New York. Et qu'on a la na Zoom te, on y va dans le système na bango mingi mingi za la ka R moko soki Google Connect te, Google Meet te, na team basala kango, mais bazali pe na ba outil na bango, basala ka ba video conférence. Donc, et qu'on a deux groupes, trois groupes, commission, il y a écoute, il y a département, il y a société civile, ba représentant, il y a ba mission diplomatique, il y a ba pays Oyo, ba zali na kati ya conseil de sécurité, mibale, et puis biso, ba congolais. Na landa biloko wana mingi to benga même ba coréen to benga ba chinois ba twa tibet ba twa dalai lama po ba ya na commission wana to yoka bango en tout cas bien organisé ba twa tibet kutu er ba silisi na New York bazali na vraiment une grande organisation ba chinois ya tibet na États-Unis ya lobbying moko na ndinga kosakana te na kenda na bureau na bango to solo la en tout cas bien organisé. Voilà donc biloko mususu oyo kuluto ngwanda to solo la na ye na kuku. Mais hélas. Na tango na zui email oyo, je me suis dit en tout cas il fallait azala. Franchement, il fallait azala. Mais bon, Nzamba yebindenga sala makambo na ye. Voilà donc nakota ki déjà la makambo elobi résistance et nakosenga pardon botungisa ngati. Prof, ngai na lingi nazala te condition ezali maîtriser une situation soit ya guerre na mboka na biso, histoire ya mboka na biso, histoire ya infiltration. Ndenge na lui par exemple ndeko na biso professeur ya lengi ou bien ndeko na biso kwebe kimpele. Voire même hier j'ai rencontré un frère na bungisa kombo na ye ndeko na biso Cyprien Wech. Voilà. Batu ya ndengwana moko na bango pouvait être là pour bazali na maîtrise ya histoire ya trouble na mboka na biso. Nga na kozala na koloba en réalité je me propose na koloba sur comment nous litons la résistance congolaise dans le Bamakamba Bitumba Nabiso, ça en tout cas, soyez sûr. Tozali na résistance Nabiso, et Naebi ke ba question kozala, est-ce que vous êtes organisé? Kombo nango nini? Et si kawana yango toko mekempe ko toka mouke pour toper sa réponse. Mais en tout cas, toko meka ko frôle de Papa Mobutu, ou alobi ale di. Buka Bango. Voilà, donc, mais il y a une résistance congolaise, ça c'est vrai. Résistance congolaise, les Ali. Soyez dans le bi Buka Bango Makamobuto, juste pour vous taquiner, vous to blaguer, mouquer, mais en tout cas, on ne peut pas faire ça. Résistance, c'est vrai, les Ali. Batouana Bazakuna, ils sont intelligents. Bayebitebe, résistance, les Ali, anarchique, donc, chef Azalakati. Alors, notez la date, nako sala tout pour que. Et la connecter na YouTube nangai. Donc bandeko ba Rolanda biso ce qui changement exact mais je sais que avant to kende ba kotinda nini demande na biso ba kotinda yango na représentation diplomatique ya Congo. Ça c'est règle ya ONU. Makamba koko exact et prof lobi boté ba kotinda lettre na ambassade ya Congo na New York na ONU. Il faut wanezali donc règlement, il faut kotinda. Alors ba pays mususu ba boyaka. Ce qui ba boyi na koya awana vidéo na ko expliquer bino mais je vais faire tout pour que les cas. Exemple na ko pesa bino moke ba na Corée zali na côté à sud ba to basala mouvement pour la démocratisation na ba to bazana bazala ki na pouvoir o ba uti ko longa na pouvoir e ba na ko simbati. Parce que mutazala ki na pouvoir moi si wa zona prison. Papa na ye mouta sala ki ba oppression, ba boma ba tu ebele. Siko ba tuena ba sala ba fondation, ba yaka na onite, gouvernement koreye ba bloka ka toujours. Alors, er na yaye ko zwa position oyo. Video moko ezali na Facebook nanga, mais malheureusement, la télévision koreyenne ezala koreye. Na sala tu, kaka, nani, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, er a zwi position na ye, en tant que secrétaire général. Na kuta na secrétaire na ya en tout cas pardon a yambanga na lingi photo ezali na Facebook nga na Guterres na lingi na senge loko moko abi bon tant pese za mingi te mais il va sortir beaucoup tarakaka era bimito bendani pembe boko mona tozai na ba vert tozo mela mo andamba chapande to sori na yebisa en tout cas aide moi Eza na fondation mo na Korea démocratisation ba lingi ba ya na commission oyo ngai na zali. Alors est-ce que moyen zali o peser pour que ambassade à Corée ba bloqué bangote parce que banda 1980 et loko ne leka balita ba ke na oni jamais blocage na bundana ba pesa accord ba tindi lettre na ambassade à Corée boyi. Ambassade à Corée a transféré yango na gouvernement na bango. Mama na ngai. Nazalaki na Australie, na Sydney. Téléphone. Bureau ya ministre ya ancien combattant. Ton wana. Monsieur Yombi tulinga ka yo, ti commence à te mixer na politique na biso, va na New York. Kende ko retire loko sali wana pona batu ya May 18. Ba kende ko loba kuna na oni. Abi me calmez-vous d'abord. Abi démarche na ebisi démarche na ngai ezali démarche académique Po ba étudiant na ngai na lingi o ya droit de l'homme ba kende ba yoka makambo ne le kakandenge nini. C'est académique na koti na makambo politique na binote. Professeur Yombiti rentre na New York o ke de ko retiré. Ah nga bi jamais. Na ye ko zonga o mboke kabwani. Gouvernement na gouvernement provincial na ville oyo base ezali ya makambo wana. Gouverneur ayebisinga papa Yombi. Biso na bango, soki ba boyo, biso na Kwangju, toko pesa yo nationalité ya Kwangju, oko vandawa. Bitumba, gouvernement provincial, na gouvernement central, bitumba, en fait de compte, na kena New York, na oni ba pesi conseil, ba yokana. Conseil siko bon, na gouvernement, na bango, ba sala, événement oye za l'ensemble. To yokana ndengo na njoka na nchweki ba yokani so ito kena kata sal. Biso toko loba maka muna biso. To keipe ba video ezali. J'étais le seul noir d'ailleurs na kata sal. Et maka mope leki très bien. Bon, gouvernement par la suite ba yako comprendre bon ezali ndengo ana. Alors, voilà. Na linga ina loba ke le gouvernement congolais ako yiko rejete ango metoko sal a tout. Pour que elle est parce que la date déjà est déterminée le 29 de ce mois à 11h heure de New York. Bon. Wana exactement comme résistance. La Moka Bandeko wana wumelati pour Sony. La Moka est comme la Moka Wenge maison mère la Moka BCBG. Na la Moka Wenge maison mère tozali comme na bampangi. Monsieur Fayulu na Monsieur Muzito. Côté BCBG tozomo na Mindela. Agaye. Tozomo na Mindele. Katumbi na Jean-Pierre Bemba. En tout cas, quelle coïncidence. Donc, Bampangistane, Fayulu na Muzito, et Kotoyo ba milatre. Mais ce qui est bizarre, mes chers amis, nous avons suivi tous approchement ya Katumbi na Félix. Ba déclaration officielle les Ali. On a vu Bemba. Ba déclaration officielle les Ali ba kokota na Union Sacrée. Ataku tu bazwaka peuple ba bololé. Donc, Bemba na Katumbi, balingi bazala na Union Sacrée, bazala yosusu na Lamuka. Ou ezali ko tia des ordres d'été. Et là, je m'adresse na bandeko na biso balandaka Bemba, balandaka Katumbi. Même Bino Moko. Tomoni bango balongwe, Bino koutu bo fingami na batu mususu. Batu na Bino balongwe bakoti na Union Sacrée. Batwa Union Sacrée kuna IDPS ba yambi bino maboko poelele. Bandeko. Na kote pe alamuka basayi deklarasyon ke non, Katumbi na Bemba ba soto exclure. Tout le monde a suivi ça. Bandeko. Miracle nini oyo, bandeko na biso oba milatre bango mibale. Bazali ko zonga na Lamuka. Donc, bazali kuna na Union Sacrée, Katumbi ba ministre bazali il semblerait que ba kopesa ye ou bien ba pesi ye 5 ministres na vice premier ministre moko alors kuna ça va azui siko azonga lisusu na Lamuka est-ce que ça la makandengo na bandeko ata bino moko batu bozo landa bango est-ce la makandengo wana alors badani bazaba bolole ezali biso batozo landa batu oyo. Na tango tozali koya tozo ebisabino ke batu o baza sincère na bisote. Moi je vous dis, même ndeko na biso Fayulu, il est bien parti, il a bien commencé. Mais après, ndeko Fayulu azana ba kombine belé. Azana ba kombine belé. O ezali, pona bien-être ya peuple na bisote. Ça c'est vrai. Nazomo na bande ko mususu na makambo oyo eleki ya biso entre biso na résistance. Prof, zala munene, leader azalaka mutu ya munene, leader azalaka mutu ya munene. Okomona parmi bandeko na moni ndeko moko. Ye penza pro muzito. Na tuni ndeko oyu. Ozo yibisanga prof zala munene, limbisa kaka, limbisa zala munene. Me azo landa ye penza akufa kaka pona muzito. Na tuni ndeko oyu, mukoloni ni osenga muzito asenga pardon na peple kongole. Ozo yibisanga zala mute ya munene, bo yo kalana kandide. Bo senga na pardon. Oye za lukutate, c'est normal, c'est logique. Mendeko banda pe kozi yibisa muzito asenga pardon. Mojito e deveni mfumu mpa. Na mbongo ya fami Gizenga te. Gizenga alekisi tango na rishi. Gizenga na pa fe l'argent na rishi. Gizenga era kimi. Era bakangi Lumumba. Akeko sala gouvernement na ye na Kisangani. Ndeko na biso kwebe kimpele. Pe vous l'expliquer. Gizenga kenda na ba reserve ya or. Akenda na ngo. L'état o a sali ce qui ba 30 ans ou bien 40 ans na Russie a teka nyonso pour na ko vivre famille Gizenga o batikala ki na mboka bazala ki na mbongo te mais muzito est devenu mfumu pa parti anini Gizenga kabila comme c'est premier ministre muzito directeur de cabinet lokola donc kamere na bango. Mouzito a manigansé ba contrat ye belé. Gizenga lembi pona age. Mouzito le remplace, premier ministre. Mbongo yeke ou bakisama, Mouzito est devenu mfumumpa. Mouzito a longwe pa kabila. Mouzito a lekisi même jour moko te. Ke non, jour moko ya transition a kanisa. Entre ko outa ye pa ya kabila, a ken en opposition. Ou bien ami vanda na ye kimia, loko la juba mbongo, avanda calme. Non. Mozito ko longwazo longwe pa kabila. Akati si balabala a ye na opposition, Mozito a komi opposant. Bangwashi ya bandundu. Mfumumpa. Mwana beto. Yala ka yala. Mfumumpa. Bandeko. Mfumumpa komi mfumumpa na makila na bino. Mozito lelo soka azo kaba mfumumpa. Azo kaba loko la mbongo wana ezali ya ye. Asufri na mutoki na ye. Asali mbongo wana. Po akabele bino ifu bo bonde la. Bo kumisa ye mfumumpa. Bo buwaka mabanga. Po apesa bino. Njoka ndebo yebite kaka mbongo na bino moko. Yangwana zozo azo kabele bino. Vukuraike Mozito azali mutumalam. Na kurevele bino in shows. Fayulu alobaki ya kosala gouvernement na ye. Oya bomba e koma secret. Na tango ba diskite na lamuka kuna entre bango. Batu mususu kote ya na group na bango on propose. To tcha tata wana meshe yombi. Aza la representant na biso. Dokola donc ministre na biso. Na diaspora. C'est-à-dire que, non, ezaki diaspora te. A represente biso na Asie. Mozito alobi niet. Afinga kabiso. Oh, ngana finga kabino. Na finga kabino te ngana lobaka Mozito ozali opposante. C'est clair. Eza makama kimpangi te. Eza makama kimpangi te. Toza baseme ki ngana Mozito. Donc, moi, en tout cas ngana zan chance te na baseme ki. Mama ba nanga, azande kwa Mozito. Yaya nanga abala muluba. Bien que bandeko na biso bapende basala likopa te contre nga non. Mais en tout cas, et pas Mozito, Mozito asala la nga likopa. Ça c'est vrai. Mozito asala la nga likopa. Mozito a refusé. Parce que ce gars là critique ka biso. Mais non, je ne veux pas cesser parce que naza convaincu te koza opposant. O kati kaka balabala, ou ti e pa kabilo, kati si, opposant. Mbala moko confiance, leader, chef à Lamuka. Mbala moko. Bon, wale za ba histoire na ba wana kata Lamuka, mais en tout cas, zizani wana tozo comprenete. Siko yo balamuka e komi mibale. Mozito siko yo coordinateur. Katumbi, idem. Siko batu bako landa nini? La moka esie koufa kala. Esie koufa kala. Toke na histoire ya Beni, na lobaki na titre biso Beni Monisco. Bon, bandeko na point oyo na rolinga ko commenter penza mingi te. Pourquoi? Parce que tozali na ba démarche ndenge na kuti koloba ya le 29 oyo. To lingite toloba makamususu oyo ko tinda peut-être batu wana parce que j'ai demandé na senga ki soki moyen ezali batu o bako yoka biso ba invité la représentante ya Nations Unies na Congo. La chef ya Monisco, Madame Oyoba Chesika, ce qui Bintou. En tout cas, na sengaki, na demande nanga, ce qui représentant ya Monisco na Congo, azala na kati. Alors, ce qui na to sali ba commentaire, na eloko wana, boyebi kaka système ya Nations Unies, ezali compliqué, ezali pe club ya bami. Na ba pays bien sûr au moins na ba pays oh yo non bazan ba intérêt na Congo ba ko influencer ba to ba ya ko lobela Congo te alors il faut toza la un peu moins réservé na côté kuna pour que to réussir na eloko na biso oh yo to lingi ko sala Félix Bandeko leadership ezali pe charisme. Boko tuna bande kona biso basala kama kamana. Demanda notre frère Patrick Efonja, je pense kasala kama management. Botu na ye akoyebi sabino, profil ya leadership. Charisme pe fwezala. Bomoni Mobutu. Soki bomoni Mobutu asala ki 32 ans na pouvoir. Peyi mokote wa bande ko sazarde pour ke baya ko chata bot na bango na mboka na biso. Problème à Mobutu ezalaki université te. Mobutu ezalaki intelligent d'abord et courage, sang froid, charisme. Quand Mobutu parle, voix na ye kaka. Na tabo bande okuta ba président photo de famille. Mobutu kota uti peut-être ayé na retard pour telema. Voix na ye kaka. Excusez-moi, na ye bikote mou. Fabien mouta répéta kalkaka voix na ye bien. Ba président moussousa mike o ya ba Rwanda, ya ba Burundi, ya ba Uganda. Ba zope sa nzela bangomo moutou a sengi teke ake ne govana liboso. E deja ba boni moutou a zo ya. Bangomo ko bazo poussana. Président. Félix nan ya ko yiko memaye a chaye liboso. Bozo man ba photo nyon sur les familles. Félix bazo chaye na souka mukila. Charisme est important dans le leadership. Papa, je suis en train de faire une vidéo dans la famille de Félix dans Qatar. Batu oyo quand même, bazali batu, bana ya Etienne Tshisekedi. Nandako ya Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, bilo akolia ibandai ko zanga te. Bavandi pe na poto na Belgique. Bazali batu bako sutu kila bilo ya koliate. Na Qatar, famille présidentielle, ba photo na bilo ya koliate. Ba photo na bilo, bango moko bazo publié. Est-ce que même Joseph Oaya na babot? Botiko mona Joseph Pena, na biloko na matama. Mwye msuse zo tanga, zo kweya. Loko na ngulu. Biso ba na mboka. Peut-être toko sutu kila bilo ya koliate ou komi président bala moko. Yo na famille na yo. Bolinko mona place ya fetite, bolinko mona place bazo liate, bozo soutenir lango, matamezo vimba, kuna bozo lobana biloko na munoko. Mais famille Tshisekedi quand même, tobane ko yoka na musika, Tshisekedi quand même azalaki bien organisé, ndako na ye ezalaki bien, bako ko soutenir biloko liate. Likambo nini vraiment na batu oyo. Mobutu. Bon mona Mobutu azo tafuna biloko na munoko azo di Mobutu po akene kozwa biloko kolia okomona soki na yebite soki abandeko za cuisiner ne soki nani na yebinde ko na biso wana bandeko na biso ba yakaba ko yisa kapasi azaki moyaka Okomona ndeko wana koya na sani. Couvre bien. Mubutu na kana ye. Omona ga acheka musapi. Bazui. Ok. Bazui. Ok. Bazui. Ok. Ça c'est quoi? Ba expliquer. Ok. Ça va. Mubutu na kana zo kende na charisme. Et si ake ko vanda. Protocole à Mobutu bako la kisa Mobutu te azolia biloko na munoko ezo kweya. Quand même, président azali une institution, attention. Bandeko bino nous bomoni vidéo à Félix. Loko la lala ki nzala 3 jours ou 4 jours à bandeko liate na yebite. Azako tafuna, azako tafuna, loko la muyibi mutu azo kima, gauche, droite, azo tafuna, azo... Siko banani basenzi. Biso ba yaka basenzi, biye banani basenzi. Bino moko botala. Biso ba yaka basenzi, biye banani basenzi. Mobutu, nege na lubi Mobutu azaki universitaire te. Courage ya Mobutu. Charisme ya Mobutu. Sang froid ya Mobutu. Ya mbo moni mboka na biso, batu wabandeko sakana nangote. Mobutu azaki mayele te penza keno universitaire ayebi ba teorie bele, ayebi makambwe bele. Jamais. Courage, sang froid. Charisme, leadership, na pembeni na ye. Mobutu abandai kopona, soko yoki Mobutu aponi, conseiller de Mobutu, yoka bakombo, Honoré Mbanda Nzamboko, conseiller ya sécurité ou bien ministre de la défense. Maître Nimi, en tout cas, mibeko etanga kananzoto, mibeko la loi etanga kananzoto. Quand Mobutu nomme un conseiller, pardon. Botala ba conseiller à Félix. Vili et Chimanga. Topin. Yuga na komba mutu topen. Yuga kote communication. Luakambua. Luakambua makambu kaka lokola mbua. Bango moko ba video wana bisote. Parce que batu o bazo ya kofinga biso. Je ne comprends pas ce qui baza vraiment na babongo malamu. Bino moko boke kotambu sa ye. Bino moko bozo kanga ba foto na ye, bozo piblie. Bino moko bozo kanga na, munoko na ye na biloko ya zo tafuna, bozo piblie. Meko finga kwa atake, olyebo atake ye na batu na ye, bozo atake biso batu tozo mona, tozo komante. Quelle inversion de valeur. Mes chers amis, mboka na biso Congo. Ça, je vous l'ai dit. Mutu oyu akozongi samboka na biso na epoka Mobutu kimia ezala. Bamboka mususu babanga biso. Na koyi ko risque ko pesa bino ba point mi bale kaka ya profil ya mutu wana. Courage. Sang froid. Charisme. À part biloko mususu soki ezali, mais biloko na misato ezangati. Oyo akota mutu oyo azali na kapasite akotia mutu. Oye ko ya ya. Bana msoba bota misiko ba yebi frazo nati ya Mobutu. Mobutu na tango azolo ba. Oye ko ya ya. Ça signifie oye ko ya ya. Il prend les risques avec courage. Bonjour ma président. Bana mulenge bazali ba congolais. Bango moko ba wololi. Les Rwandais n'ont pas tué. Bangomo ba wololiye. Président yewana. Président oya kozong sa Congo ne sika azali président oya yebi ke ndenge na zui bokonzi oyo naza mutu deja na china kufi. Ezali mutu oyo aza susu na importance na vie physique te. Aza nango suti na te. Lokola batu lokola mbanda. Na tango a lobi na ya kosala un mouvement na diaspora. A mesura ki ba risque na zali mutu moko na sina kufa. Ce n'est pas de la blague. Parce que oyebi ke, ero zali ko lance eloko ya boye. Banguna, ezala na Occident isika tovandi. Ba Rwanda epai. Ba Afrika mususu epai. Na kati ya Congo epai. Mais azala ki na makasi. Aya ko umela. Banda 97 tina 2021 oyo Banda était quelqu'un en réalité il fallait ba éliminer y peut-être une année après ou bien deux ans après ba né o union ça sali ça veut dire qu'il y a Azala qui vraiment makasi parce que Azala qui entre Ayebita sala ndengeni, apumbwa bie ndengeni. Azape na mapapute. Na likolo nguma. Na mai, ngando. Na mukili. Lion. Akimela wapi. Mais quand même, il a lutté pendant au moins beaucoup d'années. De 1997 jusqu'à 2021. Mais non, il a lutté. Alors, kozwa risque wana, ça demande un courage. Ezo senga courage. Mutu wa kozala mutu wa mboka na biso. Akwe kozala profil loko la Félix Sété. Kiboba. Mutu nyo. Bota la gouvernement ezo bimate. Imaginez-vous Mobutu di. Na nommé premier ministre. Je vais voir le gouvernement dans deux jours, trois jours ou bien une semaine. Moi, na mama yemo gouvernement, na yé sala un mois, deux mois. Moi, na mama yemo, un katumbi vient bloquer le gouvernement. Moi, na mama yemo, oh non, un tel a lobby, bemba lobby, il faut. Un tel a lobby, il faut. Mobutu pe a vandi. Ah, mais non, na yébite. Et zala, les Rwandais au Kabila, vraiment. Kabila lobby gouvernement. Gouvernement batoua yako bloqué, un tel bloc. Si vous avez peut-être diaspora à bloqué. Pour tout yoki diaspora kuna bazo swana, c'est la diaspora qui bloque. Yoka maboko. Béton. Oh. Juste nga moutou eza malamouté ou bien. Ba bétoniste ba twaza moutou malamouté. Na makambo abatu na biso ya Beni, franchement bandeko, Congolais to linganite. Vraiment Congolais to linganite. Ngai na kanisaki. Bana Beni ndenge ba telemi boy. Tokomona ki chasa mobimba na balabala. Tokomona mbunjimai na balabala. Tokomona Lubumbashi na balabala. Tokomona Matadi na balabala. Mbandaka na balabala, kisangani na balabala, kikwit na balabala, kananga na balabala. Mais hélas, batu ya Beni wana makambwane etali bisote. Mais mbongo bozali ko vivre nango na Kishasa. Mbongo bozali ko dondo nango na Kishasa. Mingi ezali ko wuta na bataxi ya bana Beni kuna. Mais tous à la kabatoutie bandeko. Ou bien programme d'abissou à classe. Mais moi je reconnais quand même programme d'abissou à classe. C'est là que moi malam. Congo d'abissou est tendu à Congo. Tout bandeko autant à Congo peut-être une école primaire. Je pense 3e et 4e primaire. Mais comment les lots Congo, Congolais, à quoi vous pensez que Le Congo se limite à Kinshasa. O avani na Mbujimayi, Congo se Mbujimayi. O avani na Kikwit, Congo se Kikwit. Makamusu zezo le kana Matadi, e concerné mwana Kikwitite. Makamuzo le kana Beni, e concerné Kinshasate. Bandeko to perdre bolingo oyo wapi. Bandeko na biso bazali, li fe le koute za boyete. Wapi solidarité na biso? Na munoko yoka kongole, kongo biso toza ini, kongo mobulu ezate, muto yombi, ye, aliniko panza batu, kongo toza ini, ba manter, ba ipokit miyibi. Kongo bozali ini, ba na beni makile komiko sopana, loko la ba robine ya mai, chak ndaku makile zo sopana, chak ndaku makile zo sopana. Kongo tozali ini na kishasa bino wana bozo sepela kwenye kwenye bantaba na ntele. Soki na pake na ulia wapi? Na maluku soki wapi? Prezident na bino ye wana na bafete kwa ulia loko la bonombo. Kizengi kipini. Kili dio. Entre temps batu na ye. Soit disant president. Aucun mot. Mon côté et le côté télévision nationale silence radio lokola mboko ezali na kimia na ndenga kosakana te ba conseiller belé nzoka nde bandeko Félix na présidence a yena bato 1018 Na kati wana zali na 200 conseillers oyo acha na rang ya ba vice premier ministre salaire na bango $50,000 kaka ndeko na bango moko conseil yebishinga prof yo atakanga mingi yo linga obo misanga yawa bon tala makambo tozomona biso msu salaire soki 24 mois alobi ko tuve kate abi mois $24,000 mois $24,000 Mais aponi bandeko na ye kaka. Kaka bandeko na ye baluba. Amatisi bango bagrad. Salaire na bango. $50,000 200 na salaire ya $50,000 Na leki na ye. Soki leki na ye. Soki na na ye. O azwa coach sportif. Salaire na ye $50,000 Soki na batye tembe. Baye la biso biletin de paye. Ya leki ya Félix Oacha, conseiller na ye sportif. $50,000 a zwaka chaque mois. Ba fête na ba fête. Quand même, même bozan a besoin ba fête na bino. Bo bomba na. Na koukou. E bebi sa mi tema ya bandeko na biso te na est. Franchement. Na kosuki sa, na eloko msusu paske lelo na loti, na lota ka rar. Soki na loti atuka li kamwane simbaka. Na kwenye kwa sala petete inane na lota ati. Me soki na loti, franchement li kamwane salemaka. Bolimbi sa, toza ina kata resistance, kamem mabe futo lo belaka yango. Na landi ndeko na biso ya résistance azali pe membre ya Pareco ndeko Delphin Zaki phrase moko na lobaki en tout cas phrase na koti kangote il faut to lande lango il faut to yeba quand même il faut to za droit pe ko yeba quand même ndeko oya lobby réunion na bango basala ki ya suka kuruto noreng banda senga ki ye a diriger réunion wana et c'est vrai ndeko na yoki pe na batu mususu Mais il est passé na télévision ndeko na biso chaîne ndeko na biso Gisèle Umba. Alobi la dernière réunion avec papa Honoré Mbanda a senga ki ye a dirigé ango a banga ki mais a imposé yo muto ko dirigé. Na kati kuna alobi ezali na ba membre ya Pareco parmi peut-être ba vice structure na bango ba sengi Na kuto honore mbanda, to tika politika chaise vide, to kende ko rejoindre Félix. Bande kweza yi detay to koyiko tika te kamem. Pardon, to koyiko tika te. Alors, soke makambwe komi kimia, toko senga lisusu peut-être bandeko oyo bazonga be expliquer biso qui a demandé na réunion na banque na ya pareko parce que la pareko si c'est la résistance bake de ko rejoindre Félix suivez mon regard réunion eleki ba mobulu o ekoti nante Neko o alobi yango na public yango na zolo bayango. Eza makama ki tue kite o ba sekrete. Eza sekrete. Ndeko o ya leke na chen ya ndeko na biso zizel wumba. Alobi boye. Ta renyo wana ba salaki. Ba membre mususu ya pareko. Ba sengi ba rejoindre Félix. Alors la question ki je me pose ki? Paske pona wya ko propose mokonzi. To rejoindre. E loko boye bien groupe boye. Déjà, ba contact est gozala. Parce que si on m'a conduit à l'obi, oui, to sala yango. Ou bien majorité, ba l'obi, oui, to sala yango. Yo déjà, ba contact aussi, au sala qui déjà, n'est-ce pas? Alors, je raisonne à haute voix. Est-ce que, bandeko oyo ba proposa qui? Na kulut honore mbanda, ba rejoindre la résistance. Bravo na ye, parce que a boyaki. Est-ce que bandeko oyo bazala ki déjà na ba contact été da Félix tokolinga ndeko Delphin Zaki azonga na public place à lobeli yango a expliqué biso qui a demandé na président Mbanda ba rejoindre Félix est-ce que Abande ki deja ba contact te. Parce que soit to kutani to ko proposer mo kondie loko oyo. Bande ko botela nga ba like na mitema ko pardon. Bo kangi bilongi boyo ndire ba soda. Donc réunion wana je pense ndenga lo baki alobi na yebite soki na me souvenir. Asa ki renouan na novembre. Bo korije nga so adoba ki bongote. Alors, ki a proposé na kulutu mbanda ba rejoindre Félix bandeko se très important bandeko nabiso ya pareko. Eza ko panza pareko teme. Sa se di. Moutoupe alobi ango ya zali kadre mou nene likolo ya pareko. Mais je l'apprécie, c'est un gars très intelligent. Mbala liboso na mona ye boye Vraiment, c'est un gars intelligent. Intelligent et sage. Et dans mon épée, commentaire est belé parce que dans l'année, ma commentaire est écocité, c'est vrai. Monsieur Zaki est sage et intelligent. Alors, tu sais, monsieur Zaki, quand même, dans le coucouté, monsieur Zaki, il y a un public. Tu sais, il y a quand même, dans le combo, il y a un coup honoré. Tu y es. Pardon, tu y es. Qui a proposé va rejoindre Félix. Alors, commission y a investigation exacte. Est-ce que la personne a banda qui déjà ba démarche été ou bien les personnes ba banda qui déjà ba démarche été ce qui me concerne dimi to les en action. Bo finga ka biso te pardon soit to zolo makam. On est entre nous. Bo finga kate. Nzamba apesi biso mwa makoki ya komona na butu. Pardon. Nzamba apesi biso mwa makoki ya komona na butu. N'esprit ya bien. Soki bande konyoso ya pareko ba landeli dossier wana. Peut-être ba neglija ki yango. Peut-être pe na erreur na kunutu na biso mwa ndambo ya maladi mwa opération mwa nzoto ezalaki malamu te mwa ya landela biloko na ezate mais courage na ye quand même akoyi kokufa ya kolala te mutu likolo ya kotelema voilà un leader il a dit niet Et pourtant, tout le monde a un déco, Étienne Tshisekedi va Lumba. Natango amoni akomi na liwa, il a autorisé beaucoup de choses. Hein. Bokende na bokende na Italie, bokende Sikaboye, bokende boye, bokende boye, bokende boye. Pour amoni déjà alembi na ye, malade pe linge zwanga ale ba salbet, boti kaka na autorisé ma kamine subo sala ngo soki bolingo sala. Nga nina kende. Mais Mbanda est mort la tête haute. Donc je pense ndeko zaki ndenga lobi, réunion na zaki réunion na ye ya souka, a salaki. Il y a beaucoup de choses pour la tata Oyo. Il faut tout yéba quand même, pardon. Il y a des choses, il faut tout yéba. Nani a proposé qui, na kati a réunion na bango, nani a proposé qui, ba approcher Félix, ba kede ko rejoindre Félix. Est-ce que, na zo répété yango, pour na boye ben compréhension que yombe a linga boma, te, ba lobby yango na public yango penga na zoroba na sali mabete nani a proposé qui est-ce que mon toi proposé qui abandonne déjà ba démarche était est-ce que ko la kisabino ba lettre ah congolais je vous aime beaucoup mais tozo la kisabino sanza bino bozota la mosapi. Et je pense que pas si souci. Tout ce qui est sanza, c'est la mosapi. Est-ce que tu as proposé qui est proposé, qui est proposé, qui est proposé? Est-ce que vous avez une commission d'enquête? Vous avez besoin d'aide? Vous avez besoin de Sabino? Vous avez besoin de Sabino? Il y a Mindele, vous avez besoin de Sabino pour découvrir Biloko Ananios. Vous avez besoin de Sabino pour Sabino. Yé spécialiste na makambo wana. Yé penza. Nyoka mubi. Nyoka mubi. Na se amai. Soka abimisi mutu. Amoni. Barwande bakoti. Loko azaraki na kindoki. Azaraki na bulozi. Na mpungo bulozi. Je pense. Akuluto lore mwanda. Ce qu'a dit, à Matisse Moutou. Naluka, na calqué façon na ye, ako loba lingala na ye. Mena o kokate. Ma bana komi lo melanga monga bi, ah, mais lingala na ye vraiment, ce qui, na komi loba lokola ye. J'aime beaucoup lingala wana. Et j'ai apprécié, même lingala nandeko Zaki. Zaki est de l'Équateur. Pour Lingala, ah oui, je n'ai pas raisonné à ça. Lingala wana na yoka ke pandeko Zaki, c'est comme textuellement. J'aime na Lingala Lingala wana mingi. Tabu tozalaki na njili peme na biso camarade nanga Abe. Abe écoute, je pense oui. Bana carte 12 ba yebi Abe, regarde là, intelligent et silencieux, très calme. Papa na bango, Lingala na ye mbanda kaka. Papa la bango soye na kee papa abe ya zoloba. Oyo akaka peut-être abe a jalite. Mais ma kamso ya goloba na goyo kate. Na goyo kate. Ndenge moko na papa ya notre ami Robert. Notre ami docteur na Canada. E pa ina bango kaka pe oyo akaka ndengo a jalite. Pe chambongo na gai. J'aime ça. Nalinga lingala la to. Lingala Kinshasa biso bon. C'est avec qui yakana kati ndamba ba français na kati. Mais mongala ce cas là mongala ya solo solo. Pe chambo monanga. Voilà mes chers amis, c'est ce que qu'on avait préparé aujourd'hui pour to solo là. Merci pour na Rolanda biso. Ba landi biso ba comprendre que toche minduki na se ko cha minduki na se ezali ko bwaka eponge ti soki ba acte ya mabe oye ko yiko bebisa biso na kati ya resistance et se répéter minduki ko telema lisusu. Et il faut qu'on y ait ma kemindou qui soit télé, mais sous ce télé, ma grandengue ya ma bé. Alors, tu tiens bilo qu'on a frigo et vanda, mindou qui n'a c'est, ma militaire n'y a son repos, mais quand même, et loko na koyi na lobby ezali pas sitôt sangana na makambo na biso ya résistance. Mais ko sali sa tokyo ko sali sa peut-être ko pe sa biso adresse boye ko pe sa biso numéro de téléphone ya boye ko sali sa biso koma ko sala boye soki ba monike ngai na koyi ko yeba yango on est disposé à ko sala yango sinon en tout cas non non on a perdu confiance hein. On a perdu confiance. Mais tous les bandeko, on est ensemble. La résistance, c'est comme ça, la diversité. Hein? Et, ah, Nabosani Ndeko, moko lobby a pesa ki proposition Ndeko Cyprien Wetch. Et loko wana loba ki nazara nango na motu, il a proposé, en tout cas, il faut to sala, une délégation, to sala, un groupement de la résistance intelligente. Et les gens qui ont été intelligentes, dans le lobby intelligente, dans le cadre figuré. Il a proposé que Bilokoana et Longwana dans la politique, il y a résistance, il y a Koyemba, il y a Kobeta Bambunda, tout ça, il y a Mingi. Résultat, ils allaient, mais résultat, ils ont pensé, oh, tu as dit, tu as dit, tu as dit. Alors, pourquoi ne pas? Tozalika groupe moko, mais tout ça la sous-ensemble moko. Sous-ensemble, wana ezala batu moko siko ya infiltration na bisika ba décision ezwamaka. Batu ya Union africaine, ba liko sala réunion na bango. Biso tozali pembeni pembeni na ba couloir. Na ONU, na Genève, na New York, ba liko loba makambo moko boye concerne na Congo bi Afrique. Biso tozali wana na couloir. Je pense que la politique, on a pas payé belé basala kabongo. Alors, maintenant, la question, la question qu'on se pose maintenant, sélection yabatusiko, c'est ça qui pose problème avec nous. Ils allaient passer pour toujours des personnes qualifiées patriotes d'abord, ou bakoye ko sala musalawana. Esprit, culture, y a trahison, ils allaient. Culture, il y a que c'est diabolisé, Zalaté. Tout le baka à Congo, Bissonios. C'est difficile. Donc, peut-être, Nzambe Kimbango Kosunga Bisso, qui en tout cas a révélé Bisso, Batu Oyo Bazaïna Amour, Yambo Kanabiso, tout ça est le cas. Ezali très important. Bande comme ça, Bande comme ça, ah, mais Ndelete, Bisso, tu as libéré Mboka Nabiso, Bisso Moko, Ndeko, Limbisa, Eza place na yote na résistance. Vous ne comprenez pas Angers où est le Kakanamakambo Itali ba pays. Ndeko biso moko toko libere mboka wana jamais. Il faut to infiltrer bato oyo bazwaka ba décision. Sinon, toko sala 1000 ans na boumbu ya boye. Bato lokwa ba Mandela na Afrique du Sud, ils ont compris ça. Même si Mindele o bazo boma biso. Mais to bimisa groupe moko ba o yako beta ba mbunda ko yako yemba ko tambula eza très important bazala mais ba bandela ba yeko sala groupe ya réflexion pour la kokote la bato ba mandela ba koti partout ba pays ba ke ba Libye ba ke ba Kiba ba ke ba Mboke Belé voilà les résultats ba koreye ba sala yango. Groupe wana ba infiltré lobbying na bamboka Amérique Europe lobbying na kati Asie lobbying ba trahison ezala kité na Afrique du Sud ezala ki trahison soye leki ba DMB ki yo na Corée pardon ba DMB ki yo yango na zukanisa Kimbangu koyi kopesa makasi te. Ope sa makanisi, bimela Kongole, moko, moko, moko, moko, moko. Ah, Nzambe. Ah, bimela Mindele, na Europe. Ye mutati wako na Europe te. Réunion na bango kaka boyepo ndenge ni bakoboma bakongolais ndenge ni bakoboma ye. Abimela bango. Oyo na yoki ango epa kongolais te. Na yoki ango epa mutute na yoka ango na Belgique na kenda na na bibliothèque moko na bosani kombo na na Bruxelles. Un blanc m'a dit livre nga na lingi na zoa ye pa ye ko alinga zoa. To kuta ni biso mbale e totu na balobi kaka eza kopi kaka wana moko. Atuninga oza mutu api na ibisi. Abi, je pense que tike langa na tanga oyo, nga na ko recommande yo, livre moko na tanga. On parle de Kimbangu. Oye, vous connaissez Kimbangu? Natali mondele, nga bi pardon badi. Omo ya omo na kaka ye. Abi, oui, je le connais. Abi, na tanga livre moko kuna. Eza interesa soko tanga ngona nte. Toke na lakisa yo. Toke ya lakisinga. Livre na soko tali ba notice nango e bimakate librairie. Parce que na ba librairie ou na ba livre mususu, okoyi ko zwa ngo ke tanga na ndako. Il y a des livres. Juste lecture na kati ko bimango li bandate. Na tu na soki na koyi ko zwa livre oyo, kopi na ngo na ke ne ko tanga après na zongisa. Babi non, livre wana so moni na rayon wana d'abord lisez. Bibliothèque aya ici quand lisez monsieur ba livre eza na réunion oyo na rayon oyo ko tanga kaka lecture na kati awa oko bimisa te oko sala photocopie te mindele na réunion contre Kimbangu ba vanda na table boye ronde ne be explika kiango ba mona ye na kata livre wana na mona tata oya leki si. Ba kangi ye ba tche na tonon. Ndenge ba tchaka Lumumba. Ya Lumumba ba tche acide. Ye ba tchaka acide te lokote. Ba kote ka na kata tonon. Koto yo ba soude. Koto yo ba soude. Ba ke nango ba bwaki na mai. A kita kene na fleve. Ba tu ba kenda ki na ye po ba kendo ko bwaka tonon. O yaza na kati ba bwaka na fleve. Tango bazwa kozonga ndo akoma na mboka. Ba yeko kuta Kimbangu na mboka wana zoteya. Bandeko na mon, na yokate pa kongole moko, na yokate pa mwana Kimbangu, na yokate pa ya Kimbangist, na yoka epa ya mutu moko te na mona yango na bibliothèque na Belgique. Voilà, esika. Na me santanga moko ngabi non. Il faut azala nangai. Bande ko ebele ba komeli ngai non prof ko loba makama Kimbangu te lobaka makamba ba chrétien soko lobe Kimbangu batu ba ko yina yo. C'est ça les congolais. Na bamboka oto vandi leader na yo akoyiko za la musulman. Yo za chrétien. Mais ozo landa ye, problème exacte. Na Congo, non. Kimbangu eza ba Kimbangiste te. Je vous le dis chaque fois. Simon Kimbangu atika église Kimbangiste te. Yango tozo lo avec Mbanda. L'esprit Mbanda et la Pareko, c'est différent. Apareko c'est apareko. Esprit Mbanda c'est l'esprit Mbanda où ils allaient quoi animer bisonio son résistance. C'est comme ça avec Kimbangu. Kimbangu, l'esprit Kimbangu n'est pas l'église protestante, l'église Kimbangiste. Mais na koyi kozala peut-être pona ngai, je vous dis mes frères, yango ba congolais to landa ka ba conseil ya baningate. Ngai biloko nyoso na sala ka soki nazala difficulté. Soki nazala difficulté. Na kenda ka gauche droite na fuka mana beta ba shit ba jeune de prière. Ngai phrase kaka moko. Kimbangu sunga. Na web sabino qu'est-ce qui s'est passé? Na lali, moni makambo. Tolobi er moko mwa pongi ezwi ngai na lembaki. Butu mubimba vraiment. Zélande kwazo benga azela to sola sima. Boutou mobimba. Na lobi na lobi na lalite. Na lobi er moko ba never na la la tamuke. Kaka awa na lalika aboy. Ba conseil ba tu ba pesi pesi bele bele bele ba lobi ba lobi. Oyo bazali pour ngai bazali o baza pe contre ngai bazo kote la madame Candide bazali na lali awa kaka boy pona bande ko se l'appel mo so na ke na mbetu na kolekana na lali boy na bon makambo ezo leka boy vraiment na ebite peut-être na za raison bien na tort mais ce que je reconnais na za na tort te so ki na intervenir parce que mabe moko esalama quelque part na che kaka boy kimbangu sunga ngai la ligne qu'on perd le Congo ti na yé na quelque chose na résistance au yobande ko bazo comprendre ngati soki na zana tort sunga ngai kaka boyende na vandi boy soki na zana tort sunga ngai pardon na okokati bande ko na vandi ma pongi e yibi ngai na yoka message tadan na téléphone na sotuki na tala message na nan madame Candide Okeke. Madame Candide Okeke, a ti dit un message. So yon botali message, yon a message à reçoit na te, à rebounda te. Message à comprendre, elle est choquée. Na ba dire wana, on est ensemble, toza bandeko. Kaka ndenge na vanda ki awa, kaka boye na tche kaka boye. Makambo oyo, na zana makambo e bele na ye nango, ba bandeko bazo comprendre nga te. Na lingite na zonga nango, na lingite. Sinon, tu es responsable de quelque chose un jour. Kimbangu sunganga. Kakaboy, kimbangu sunganga. Trois fois, na okokate. Et na silisikanga na okokate. Bon, na kanga misu. Na yukuna téléphone tadin, na fungula woy madame Candide. Banda to banda. Soki cinq jours oyo, akome la kanga te, e loko te. Alors, et ça ma kamba chrétien te prof kolo baka makama kimbangu te prof sinon te ba chrétien o balanda yo ba okima yo ba chrétien balandanga ba kima ba on sait que ba comprendre te religieux ezali nini ezana ndeko mususu yeso ezana difficulté yeso ezali nzambe sunga yeso sunga prière a zui solution ba bouddhiste pe kuna ba priya ka bouddha sunga sunga a zui solution ba musulman pe ndenge moko parce que soyez dans ndenge on a été ba mboka lokola ba Qatar ba mboka lokola ba Arabie Saoudite ba kozala ndenge bazabo yete riche. Dieu travaille avec tout le monde à travers envoyé na ye. Dieu ne travaille pas seulement avec Jésus, non, ezal okuta. Dieu travaille avec tout le monde à travers ba envoyé na ye. Dieu azaina ba envoyé belé na monde. Dieu a zali na ba envoyé belé na monde. Po na ngai, po ba biso ba congolais, incompréhensible za la ke belé. Po na ngai. Likambo nyoso na za nango, soki vraiment na za difficulté, na lobaka ki mbangu songanga. E na zo zwa résultat bandeko na nga atabino moko. Siko na sala nini? Na boya ye? Na boya te? Botala ndeto zo potana. Batu ba fingi, batu ba lobi. Ngape er moko mwa esprit ya mobutu kameme, ngape na za mwa lider. Masana mwa batu na ngaba landa ngaita lokola wa nani onazomona. Julia, soki nani. Julia Kizodisa, je pense. Asa base na nga, landa nga. Alors, naza pe na mwa fier na nga lider. Ki mobutu pe er moko ti. Soki na landi pe comportement ba beau-frère na nga. Ba bofen nanga balinga ko miki za te ifu mwa sha miki tsa ndeko nanga pele ki nanga za pele ki kandile quand même elle doit venir vers moi quand même kimbangu sunga je ne vais pas perdre Candide même si na lobito ko travailler na Yesu te mais je ne veux pas la perdre Congo ko yiko za libérer par hier Congo ko yiko za libérer par peut-être ba batumso na yeko découvrir le belé kaka sikoyo le ko na ba monsieur Zaki wana Kogwe koza libéré par Mutu Nyonso. Alors je ne veux pas perdre quelqu'un. Kimbangu sunga. Kaka na zolo babo e kimbangu sunga. Madame Candide si kaza la ki atindi message. Boye bisanga, natika, naloba nani, Bouda Sunga, naloba te. C'est moi. O a monike nazana raison te. Kolanda te, c'est votre choix. Religion ba forsa ango moutoute. Na politique, bolo bagate non leader wanaza musulman na Hollanda ete. Leader wanaza moutaki mbango na Hollanda ete. Leader wanaza chrétien. Te, zraga bongo te bandeko. Makamba politique eza politique. Nga, kuruto honore mbanda, c'est un chrétien. Makamounyo so soka lobi a lobi yoka leki, salandenge na ebishi yo, Yesu ako sunga biso. Salandenge na ebishi yo, Yesu ako sunga biso. Nga pele soka ebishi nga, en tout cas, confiance a zo pesa toza 100 millions d'habitants. Mais confiance a pesa nga peut-être toko yiko leka, même 10 te peut-être na ebite. Kimbango sunga. Nazala na ye, kimbango sunga. Bongo siko natika polani. Voilà, mes chers amis. Et l'on n'y a pas de yangwana. Donc, balater. Les yombistes balater. Ce qui bomoni batak, banini, ne répondait pas. Ne répondait pas. Na bosana kinde, comme moko pe a rappelé, kinga tozali batu. Kruto noreng banda, a yebisa kinga yi. Ne répond pas na batu oyo bazali kwa take yo, mais travaille pour eux. Tozali batu bandeko. Ndeko moko a rappelé, kinga lobi. Tozali batu. Bobunga pe salimaka. Tozali batu. Kuluto nore mbanda zaki na mobutu. Vous croyez que il faisait 100% makamunyoso mobutu asengiye. Abande ko bosa na te? Non, abande ko bosa na. Toza batu. Mais en tout cas, nako sala tout pour que phrase wana ezala na ngai. Kimbango ako sunga ngai. Phrase wana ezala na ngai à tout moment. Alors, bore rappela kangate na titre moko lokolo ya kochola olobaki non na lobaki. Na bosani, na zali moto. Kanda ele kinga. Na bosani, na pengui. Na phrase wana. Je demande pardon à tout le monde. Mais je reconnais que, en tout cas, na zala faute te. Moi, faute na koyiko reconnaître yango na uti ko loba yango, eza kanda nanga. Je prononce des choses. O na koyiko prononce te. Alors, soki o limbi singate, o limbi pardon nangate, surtout bandeko na biso ya pareko, ba mambra pareko. Soki bolimbi singate, botika na mikumba, nga na sukwa mi, na peto la mi. Botika na mikumba, na bino botika na nango. Mengaya, en tout cas, moi, je demande pardon. Na yebi ki na sali bino mabete. Je demande pardon. Mais, ko senga pardon, eza ko bosa na likambote. Ko senga pardon, eza ko bosa na te, sika na tiki minduki, eza li. E bele. Eza bien te. Totika, ba minduki yon egoza loko la barchive na biso. Tango toko libere mboka, toko tcha mize de la résistance. Toko tcha biloko, par exemple, la lite de Mbanda. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? La lite de Candide. Qu'est-ce qu'il a fait? Ba Zaki, ba Patrick Lukika, ba Shebeya, ba Nani. Toko zala na ba pavion, toko zala na mize ya histoire na biso. Ba tu nyon soba na biso bando ya non. A un certain moment, yavait un gars qui s'appelait Honoré Mbanda. C'était qui photo na ye yango. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Na mize wana, résistance zala ki. Oh, ba sala ki nin. Wawa, résistance ya Londres. Résistance ya Europe, Union Européenne. Résistance ya Boye. Talandenge basalaki biloko nyonso tozolo ba même babitumba na biso oyo ekozala na kata mize wana. A un certain moment y avait yombi asilika ki na ndenga ko sakana te po ba ke ko kosile makambo. Alors tala biloko oyo alingai ko bimisa botala nanu oyo abimisa ki ta oyo alingai ko bimisa me abimisa ki angote bana na biso oyo bande ko tanga pour planifier avenir po na bango. Voilà ba koko na biso. Voilà ndenge basalaki, ba inanaki, ba bundaki. Voilà pourquoi biso totala yango malamu pour que toi répéter biloko wana te o bango basala. Voilà l'importance ba mise bo monaka. Ndeko moka tuna nga me bato nyonso mikwa o bakena ko sanga ba mise pona nini? Mise zali na importance ya makasi na vie ya bato. Ndeko na biso kwebe kimpela ko iko yebisa bino yango ba historien. Ezali na importance. Tala siko, histoire na biso komi na maloba. Heureusement, batu lokola kimbango akote na lokola ba Honoré Mbanda. Il a écrit, makamunosa yebi, ekotika na mopepete. Me botala ba leader na biso mususu. bakufa batike bikritite bato bakomi ko kanisa ah to moni lokola peut-être papa Etienne Tshisekedi le 24 juin 1985 abandai ko kanisa boye na mona ki avanda ki na kwe moka bale. Non, il faut écrire. Monde ezali ko évoluer na ba écriture bamboka to vandi soki bozomo na ndenge nini bato ba bundaka te ndenge nini bato ba bongisa makambo na bango rapide bazana ba mise ona nyonso ya histoire qu'est-ce qui s'est passé à telle période qu'est-ce qu'ils ont fait ezali ki problème nini makambo nini bazalaki nango ah voilà na makambo oyo eleka na mboka na biso biso pe to sala makasi to sala yango lisusu te. Si vous voyez un leader qui meurt sans écriture na siècle otozali azala ki leader te c'était un égoïste azala ki un égoïste problème na Israël kaka pouvoir ezala ki binoté il n'a pas voulu de laisser des traces ba traces ezate après 50 ans moi je vous dis après 50 ans personne ne va parler de Tshisekedi Tshisekedi Lumumba par exemple personne ne va parler de Gizenga pourquoi des égoïstes ils n'ont pas écrit. Na yebite si onami tunaka. Ma yele ako koma izala kite. Ou bien tan ya ako koma izala kite. Même tan ako koma izala kite ba proche bazali. Vous croyez que Honoré Mbanda avait le temps d'écrire? A kengela kana fenêtre kuna na monye lili mon kuna eske Rwande mutazole kakuna be Rwande te. A tala koto ayo ka porte ningani. Azo tala eske kuna izali mutu ya kabinete kuna mutu wa ningisi porte. Eske azala tan ako koma. Mais il s'est sacrifié a komi. 1000 ans, même plus. Ce qui est critique, c'est que la caca boye, monde est zikate, batou bakoye après 1000 ans, bako tanga. Alors, babitumba na biso oyo, et kende na cadre ya mise na biso. Ngana yebi très bien, après 50 ans, après 100 ans, bana na biso bakoya, ere bako mona bitumba moko eleka na periode moko boye, moutou yo mbi alo baki boye, azalaki na bilok. Yombe azalaki na biloko abalusi ba ba Michel SS va aliyako popola kimbangu alobi he na beta yombata kita ezali oyo te na tindio kita. Lolendo pa bo moto na zanango. Na okita nde nga na okita te. Deva kandid. Ah non, nga na okita te. Oh di, kandida za, za. Kandida za mwa mouke, kamem. Kamem nga za mkolo suki ape na okita te. Okita te. Bo, sa va, zwa mwa repo. Ozwi kaka repo ka wakimba mwusunga. Kandida tindi mesaj. Er na mwoni mesaj a kandid. Na sirsote. Na bangi kutu. Vous voyez, quand on a vu son candidat dans l'Olendo, ça c'est vrai. Na avons vu ce qu'il y a. Quand on a vu son candidat dans l'Olendo. L'Olendo dans le sens que, comme il y a eu ça, il y a eu ça. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. La société, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais, en tout cas, franchement, je rends hommage à Kimbangu. Natali ba commentaire batu ba mama papa yombi na chana se papa yombi chana se papa mboka na biso surtout mama moko azwinga yawa soki er nini papa na baye na sengi mama o na limbi sa pardon pesangaye chance ya suka toko bongisa limbi sa pardon. Mais bon moto, quand même, Ezali. Moi, le lendo. Accord, pe nazalaki na kanzaka. Mais quand même, ça va, ma sœur Candide. Bonne chance à elle. Ndenge na wuti kolo baboye, on n'a pas de problème. Et. Tozali bandeko, tozali na Congo. Liboke moko karate moteko, libere mboka na biso. Pour qu'on diversifie Mindouki Nabiso. Côté ko Simba et Simbi. Peut-être Bapaya o ndenge ba moni biso boye liboke peut-être. Yango bazo attaquer biso. Alors, to sala maboke mususu yankuku. Bayebate. Ma boke en koukou. Batou bazali, nga na yoko découvrir bango avec Kourou Tungwanda. Te. Pardon. Ede moko pe nga 5e colonne na banako tchango na doute. Ya solo, na yif sabino vérité. Ede moko, ava benga nga. Ede moko na banako, ye petato ba 5e colonne na ye wana banda 5e colonne. Franchement, mes chers, ede na ye pembe na ye. C'est une réalité. Bande ko bazali. Et na koyebi sabino mikolo koutou bakomi e belé. Kimbango sunga, biloko nso e bimate. Bon, merci. Merci mes chers amis. Ou me liya anano baki mouke metra 10h15. Merci Mingi, merci. Boza la malamu, boka bla ma video na biso. Botinda bisou e pa candide. Apesa mbote na papa na bana na ndako. E bandeko ope bo touti sa même mabaku. Ba bisou surtout ba mama, ba bisou. E ndeko na biso moko mama. Oyo ba tele makana tongo pona Congo, na mboka Canada na Ottawa, na centre-ville. Mama na yo ki conseil na yo. Maman Denise, na yo ki conseil na yo. Denise Tshisekedi, hein? Attention, Denise Tshisekedi. Ouais, ok, c'est la nga makambo. Ah, boyoki. Asolo ana Denise Tshisekedi. Pardon. Wana penza vrai Denise. Wana penza mwana Congo. Aleli conseil. Papa Yombi. Balater. Nakiti. Je suis désolé, maman Denise, pardon. Naibi que vous avez été choqué. Vraiment, pardon. Donc, ça là tout, pour que biloko aboyez à la sauté na future. Allez. Au revoir. Wow, kabola vidéo te, yena kimbangu, étalier. Au revoir. Donc, abonnez-vous, place. Merci. Bye.